Chapitre 19e. Pendant les 3 ans qui suivirent, Jessie travailla dur. Elle se retrouvait, sa femme et lui, environ une fois par mois à Honfleur chez les parents d'Alice. Là, ce furent des journées merveilleuses, où les promenades au bord de l'eau succédaient à des repas délicieux, composés de grands plats de crevettes grises à peine pêchées par Rory. Les jumeaux se régalaient et poussaient comme des champignons. Ils effectuèrent plusieurs voyages en Amérique pour voir leur famille et se recueillir sur la tombe de Patrick. Puis un matin, comme 3 ans auparavant, Alice descendit voir son mari à son bureau. « Chérie, j'ai une mauvaise nouvelle. Ton oncle. Il s'en est allé, lui aussi. Hélas, c'est la vie. Mais mon Dieu, que c'est triste. Tu vas préparer les bagages, ma douce. Je me charge du bateau. » Ainsi fut fait. Une semaine plus tard, il voguait à nouveau vers le Texas. Hélas, trois fois hélas, le télégramme qu'ils reçurent à bord du bateau les abattit encore un peu plus. L'arme de pluie s'était également éteinte 2 jours après son frère. L'année 1897 fut un désastre sentimentalement pour Josh et Jessie. Ils eurent toutes les peines du monde à surmonter leur douleur, et s'il n'y avait eu leur femme et leurs enfants, ils se seraient laissés couler. Au ranch, ils tournaient comme des lions en cage et recherchaient sans cesse leur compagnie. On avait l'impression qu'ils ne voulaient plus se quitter, et le travail finissait par s'en ressentir. Josh ne donnait plus d'ordre à ses ouvriers, qui venaient quand cela leur plaisait. Le résultat fut un début d'incendie, sur le puits numéro 5, qui, sans la présence d'esprit de Claire, aurait pu tourner à la catastrophe. Ils mirent plus d'une semaine pour l'éteindre, et surtout empêcher le feu de gagner les autres puits. Jessie, quant à lui, jetait tous les messages venant de Mike et de la banque. Un soir, après le repas, leurs deux épouses exaspérées se décidèrent à leur parler. « Josh, fit Claire, tu te comportes comme un enfant. Il faut que cela cesse ou tout le monde finira par en pâtir. » Elle se tourna vers Alice pour obtenir également son intervention. « Claire a raison, Jessie. Toi aussi, tu es en train de mettre par terre plusieurs années de travail acharné. De plus, je pense que vos parents n'auraient pas apprécié votre comportement irresponsable. » Les deux frères relevèrent la tête, mais ne purent parler. Alice reprit. « Il faut faire quelque chose. Vous ne voyez pas dans quel état vous êtes. Vous traînez à longueur de journée. On vous retrouve uniquement penché sur la tombe de vos parents. Mais nous existons, et les enfants aussi. Vous rendez-vous compte de l'exemple que vous leur donnez? Nous ne pouvons pas faire votre travail. Nous avons essayé, mais... » Elle s'effondra alors en larmes dans les bras de sa sœur. Les deux hommes baissèrent la tête et finalement Jessie reprit la parole. « Je crois, mon frère, que nos femmes ont raison. Nous nous sommes assez apitoyés sur notre sort et nous les avons laissés tout faire. C'est indigne de nous. Si les parents étaient encore là, ou bien oncle Bison Ardent, nous aurions eu droit à un sacré savon. Laissez-nous encore quelques jours pour reprendre entièrement nos esprits, et nous vous promettons que plus jamais vous n'aurez à vous plaindre de nous. » « Vous avez vu ce que sont devenus les jumeaux ?» demanda alors Claire à Josh. « À vrai dire, répondit celui-ci rouge de honte, cela fait longtemps que je ne les ai pas vus. Ah oui, je vais les appeler, et s'ils daignent enfin se montrer, vous allez vous rendre compte du mauvais exemple que vous leur donnez. » Les quatre enfants, au bout d'un bon quart d'heure, arrivèrent dans le salon où leurs parents, en silence, les attendaient. Leurs vêtements étaient sales et déchirés, leurs cheveux en bataille et leurs visages noirs sidérèrent les deux pères. « Mais, voilà vos enfants, messieurs. Depuis 2 semaines, ni Alice ni moi ne pouvons en venir à bout. Ils traînent toute la journée près des puits, se roulent partout, montent à cheval et ne réapparaissent que pour manger. Quand nous leur demandons d'aller faire une toilette, nous avons des réponses comme « Pourquoi faire, maman, puisque nous allons retourner nous salir ?» Et quand nous insistons et que nous menaçons de les punir, ils se moquent de nous et s'en réfèrent à leur père. À présent, messieurs, Alice et moi, nous vous laissons avec votre progéniture et filons déjeuner avec Monsieur Stewart. Cet homme-là, au moins, est présentable, propre et sait comment recevoir des dames. » Interloqués, les deux hommes virent leur femme quitter la maison. Ils se dévisagèrent, penauds, puis Josh interpella les enfants. « Au lavage, et que ça saute! Je vous préviens que je ne le répéterai pas 2 fois. D'ailleurs, Jessie et moi y allons aussi. Après, vous enfilerez des vêtements propres, et tous ensemble, nous préparerons un repas somptueux pour vos mères, en espérant qu'elles finiront par nous pardonner nos stupidités. » Les quatre enfants s'observèrent avec une moue boudeuse, dansant d'un pied sur l'autre, essayant de tergiverser. Jessie le regarda droit dans les yeux et reprit. Vous n'avez aucune excuse pour votre conduite inqualifiable. Et les coupables que nous sommes allons reprendre vos petites vies bien en main. Ah, j'oubliais. Vous allez aussi faire vos chambres. Et croyez-moi sur parole, si ce n'est pas impeccable dans 2 heures, votre oncle Josh et moi-même y mettrons bon ordre. Exécution immédiate. Les enfants sursautèrent au ton autoritaire et se décidèrent à bouger. Quelques heures plus tard, le ranch était nickel. Les deux hommes et les enfants aussi. Un savoureux repas mijotait. Lorsque les deux jeunes femmes rentrèrent, elles n'en crurent pas leurs yeux. Tout était si propre. Les enfants, assis par terre sur les tapis, lisaient calmement, et leur père fumait tranquillement assis dans leur fauteuil en lisant les journaux. Finalement, après un bref coup d'œil autour d'elles, elles se dirigèrent vers la cuisine. C'est à cet instant que leurs maris les interceptèrent. « Ah non, mesdames, n'allez pas dans cette direction. Allez plutôt vous reposer et vous faire encore plus belle pour apprécier, à sa juste valeur, ce que vos enfants et vos imbéciles repentants de mari vous ont concocté comme souper. » Étonnées, les deux jeunes femmes ne savaient trop quoi en penser. « C'est fini, » fit Jessie. « Nous nous sommes ressaisis et avons à présent la situation bien en main. Nous discutions tout à l'heure, Josh et moi, pour savoir quand nous pourrions reprendre le bateau pour la France. Il vous faudra nous supporter une dizaine de jours de plus, le temps que les ouvriers des puits reprennent correctement le travail, et après... J'ai déjà télégraphié à Mike. Je vais avoir énormément de travail au retour, mais ne t'inquiète pas, ma chérie. Les enfants devront filer droit. Je m'en occuperai personnellement. Voilà, vous êtes au courant de tout. Maintenant, ce qu'on voudrait savoir, c'est si vous pouvez nous pardonner. » Les deux jeunes femmes se pendirent au cou de leur conjoint, au bord des larmes, et décidèrent d'oublier tous ces petits malheurs. Elles seraient toujours aux côtés de leur homme, si ceux-ci avaient besoin d'elles, qu'ils en soient persuadés. La soirée fut une fête pour tout ce petit monde, enfin réuni dans la paix et l'amour. Ce fut malheureusement la dernière fois que les jumeaux se rencontrèrent. Un jour, un puits en feu explosa, et Josh, ainsi qu'une vingtaine d'ouvriers, trouvèrent la mort. Claire, incitée par Alice et Jessie pour revenir en France, ne voulut pas laisser le travail de Josh. Son mari s'était tellement investi qu'au fil des années, l'Amérique et les Navarros étaient devenus son univers. Par contre, à la veille de ce nouveau siècle, ils décidèrent d'envoyer leurs enfants à l'université. Eux, qui n'avaient pas étudié, tenaient absolument à ce que leur progéniture soit instruite, pour tenir la voie que leurs parents et grands-parents avaient ouverte. Jessica resterait au ranch avec Claire, aidée par les enfants et petits-enfants de Bison Ardent. Et en France, Joyce resterait avec Alice. En ce début de 1900, une fille restait à la maison et apprenait le métier de mère de famille.